إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نعم دونك aujourd'hui c'est le cours numéro 1 dans notre darf de Kitab al-Tawhid, Kitab al-Tawhid du Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, et on va lire le sharh du Cheikh Salih al-Fawzan pour ce livre-là, qui s'appelle I'anat al-Mustafid. I'anat al-Mustafid, ça veut dire de venir en aide à celui qui veut avoir, disons, qui veut profiter de ce livre-là. Donc, c'est le sharh de Kitab al-Tawhid. Et il y a une introduction ici, ok? C'est une introduction qui est très intéressante. Toutefois, on n'a pas dit qui est-ce qui l'a écrit. D'après ce que je comprends, c'est l'introduction du Cheikh, Cheikh al-Fawzan. Donc, on va commencer. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه وأسبغ عليهم نعمه ليشكروه والصلاة والسلام على نبينا محمد دعا إلى توحيد الله وصبر على الأذى في سبيل ذلك حتى استقرت عقيدة التوحيد واندحر الشرك وأهله وعلى آله وأصحابه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه وجهدوا في الله حق جهاده أما بعد فإن التوحيد هو الأصل في بني آدم والشرك طارئ ودخيل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد وأول ما حدث الشرك في الأرض في قوم نوح لما غروا في الصالحين وصوروا صورهم فآل بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله فبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام ينهى عن الشرك ويأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وجاء الرسل من بعده كلهم على هذا النمط كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Donc le cheikh il commence par lui donner une louange à Allah subhanahu wa ta'ala et il dit que c'est lui qui a créé la création pour qu'on l'adore et il nous a rempli de ses grâces pour qu'on soit reconnaissant envers lui et il envoie le salut et la paix sur le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit qu'il a appelé au tawhid et qu'il a fait preuve d'endurance devant toutes les difficultés et les nuisances qu'il a eu à faire face dans cette voie-là, jusqu'à ce que le tawhid et la croyance de tawhid soit établie, et jusqu'à ce que le shirk et les gens qui l'appliquent et qui le pratiquent soient, écrasés. Et ensuite il dit que le salut soit également sur ses fidèles et sur ses compagnons qui ont suivi sa trace et qui ont suivi cette voie, hein, et qui ont fait des efforts, qui ont lutté, hein, en Allah, c'est-à-dire qui ont lutté dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'une lutte véridique. Et on dit ensuite que la base dans les fils d'Adam, c'est-à-dire les êtres humains, c'est le tawhid. C'est-à-dire à l'origine, tous les hommes étaient sur le tawhid. Puis le shirk est apparu. Donc ça veut dire que le shirk est venu par la suite, est entré chez les êtres humains par la suite, et non pas, c'était pas l'origine chez eux. C'est pas ça l'origine chez eux. Et puis, toutefois, les koufars, pour eux, dans leurs livres, si vous lisez des livres en anthropologie, en sociologie, des trucs comme ça, vous allez voir que souvent ils expliquent que c'est le contraire. Pour eux, ils imaginent qu'à l'origine, les êtres humains étaient polythéistes. Hein, qu'ils se sont développés, hein, ils ont évolué, soi-disant, vers le monothéisme, plus tard par la suite. Alors qu'en réalité, c'est le contraire. Alors qu'en réalité, c'est le contraire. À la base, les êtres humains étaient sur le tawhid, puis leur aqida a dégénéré, puis s'est détérioré avec le temps, parce qu'ils ont pris entre eux et Allah des intermédiaires, ok, et des intercesseurs pour aller à Allah, au lieu de passer vers Allah directement, hein, et ils ont attribué à la création des attributs, ils ont donné à la création des attributs divins, et ils ont donné à Allah des attributs de sa création, qui a amené les hommes à tomber dans plusieurs formes de shirk, comme on a déjà expliqué ça dans différents durus. Donc, le cheikh, il dit ça. Il dit, et ensuite, il mentionne la parole d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, et il dit que entre Adam et Nour, il y avait 10 siècles, ou 10 générations, pardon, 10 générations, et ils étaient tous sur le tawhid. Donc, après la création de Adam, alayhi salam, jusqu'à 10 générations par la suite, hein, jusqu'à l'époque de Nour, tous les êtres humains étaient sur le tawhid. Il n'y avait pas de shirk parmi eux. D'accord? Ils étaient tous sur la même religion, la même voie, hein, et ils n'avaient pas associé rien avec Allah subhanahu wa ta'ala encore. Mais, donc par la suite, le shirk dit que, ensuite, le shirk est apparu sur la terre dans le peuple de Noé, lorsqu'ils ont exagéré au sujet des hommes qui étaient vertueux et qui étaient pieux. Et ils ont dessiné leurs images. Ils ont dessiné leurs images, mais ils ont sculpté leurs images. Et puis, c'est ça ce qui a fait en sorte que ces gens-là sont tombés dans le shirk. Et ils ont commencé à les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a suscité comme messager pour eux et comme prophète pour eux, Nuh, alayhi salam, pour leur interdire de faire le shirk. Et pour leur commander d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala lui seul et ne pas lui donner aucun associé. Donc, par la suite, les messagers sont tous venus un après l'autre pour venir ramener les hommes à l'adoration du Dieu unique, c'est-à-dire à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Et il mentionne le verset 25 dans Surah Al-Anbiya qui dit « Et on n'a pas envoyé avant toi le messager excepté pour leur dire ou pour dire aux gens qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré, excepté moi, alors adorez-moi. » Okay? Donc ça c'est un exemple qui a été rappelé pour dire que tous les messagers qui sont venus à l'humanité, c'était ça leur message. C'était ça leur message fondamental. Là, il n'y a rien qui mérite d'être adoré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est donc la base de l'islam et la base de la religion musulmane. Et le message de tous les messagers que Allah a envoyés à l'humanité. Le cheikh dit ensuite, أما الشرك في قوم موسى فحدث عندما اتخذوا العجل وكان موقف كليم الله موسى وأخيه هارون عليهما السلام معهم ما قصه الله في كتابه. Le cheikh dit que en ce qui concerne le shirk dans le peuple de Moïse, eh bien il est apparu. Il est apparu lorsque ces gens-là ont pris le veau. Ils ont pris un veau en or et ils ont commencé à l'adorer. Donc ça, c'est un exemple de shirk qui est apparu dans le peuple de Moussa. Et Moussa, c'est Kalimullah, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a parlé. Et son frère Haroun, qui était avec lui, pour le supporter dans son message. Ensuite, le cheikh dit « وأما الشرك في النصارى فحدث بعد رفع المسيح عليه السلام إلى السماء على يد اليهودي بولس الذي أظهر الإيمان بالمسيح مكرا وخداعا فأدخل في دين النصارى التثليث وعبادة الصليب وكثيرا من الوثنيات. » Le cheikh dit que le shirk est apparu chez les chrétiens après que Isa soit élevé vers les cieux. Et cette forme de shirk là est apparue chez les chrétiens par l'intermédiaire ou par disons à cause de Paul. Et Paul, c'était un homme qui, bon, il était juif d'origine, c'était un homme qui avait étudié avec les rabbins, il connaît bien la loi, il connaissait bien la loi judaïque, puis en même temps, il avait étudié la loi romaine, et il était de nationalité romaine, donc il avait la nationalité romaine en plus, ok? Donc c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait, disons, il avait les deux, était juif et en même temps il connaissait la loi romaine et il connaissait la loi juive et il était de nationalité romaine et il connaissait bien les juifs. Donc ça veut dire qu'il était capable de passer entre les deux cultures, les deux civilisations, les deux peuples facilement. Hein. Et donc il a utilisé ses connaissances pour tromper les gens dans leur religion. Et c'est lui en fait qui a changé le message de Isa alayhi salam et qui a déformé le message réel de qu'est-ce que Isa avait amené. Ok? Et l'histoire telle que les chrétiens l'expliquent, c'est que supposément que après que Isa ait été élevé aux cieux, lui il était parmi ceux qui faisaient torturer les gens qui avaient cru à Isa à son époque. Donc il les amenait, il les faisait torturer. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que soi-disant sur le chemin, il passait sur le chemin vers Damas, et en chemin, il a entendu une voix qui lui disait « Pourquoi me persécutes-tu ?» Quelque chose comme ça. Et là, il a prétendu qu'il a entendu Jésus qui lui a parlé. Et donc, à cause de ça, il est allé voir les gens qui ont cru à Jésus, puis il leur a dit « Ça y est, j'ai entendu Jésus, puis il m'a parlé, puis je suis un messager maintenant pour lui, puis tout ça. » Puis là, il s'est fait passer pour, disons, le messager des chrétiens. Puis là, il commençait à prêcher une religion déformée de qu'est-ce que Isa avait dit. Parce que Paul n'avait jamais rencontré Isa durant sa vie. Il n'a jamais rencontré face à face, il ne l'a jamais entendu non plus en personne. Donc, il se basait juste sur qu'est-ce qu'il prétendait lui-même. Hein. Tandis que ceux qui étaient là, qui avaient vécu avec lui, qui étaient témoins de sa vie et tout ça, eux, ils ne le connaissaient pas. Donc c'était un homme qui arrivait avec un nouveau message, et puis, donc, il est venu, il est apparu avec ses nouvelles croyances, et comme le chef, il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait passer pour un croyant, hein, et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait entrer dans la religion des chrétiens la Trinité, la notion de Trinité, la croyance ou l'adoration de la croix et toutes sortes de formes de pratiques païennes et idolâtres qui n'avaient rien à voir avec l'enseignement de Isa alayhi salam. Ensuite, il dit amma ash-shirk fi bani Ismaïl wa hum al-arab fa hadatha 'ala yad Amr ibn al-Luhay al-Khuza'i الذي غير دين إبراهيم عليه السلام وجلب الأصنام إلى أرض الحجاز وأمر بعبادتها. Donc le cheikh dit que le shirk est apparu chez les enfants d'Ismaïl, et les enfants d'Ismaïl c'est qui? C'est les Arabes. Donc le shirk est apparu chez les Arabes lorsque Amr, un homme qui s'appelle Amr ibn Luhay est venu, son nom c'est Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé la religion d'Abraham. Parce que les Arabes étaient sûrs qu'est-ce qui restait de la religion d'Abraham à l'époque. Lui, il est venu, il a changé la religion des Arabes, et il est venu de de la Syrie, il a amené avec lui des idoles. Ok? Et il les a placés autour de la Kaaba. Et c'est comme ça que le chef est rentré dans, chez les Arabes. Et il a ordonné aux gens d'adorer ces idoles. Donc, c'est comme ça que c'est apparu le shirk chez les fils d'Ismaïl. À l'origine, ils n'étaient pas dans le shirk. Ok? Ils étaient sur la religion d'Ibrahim, c'est-à-dire à Tawhid. Ok? الشيخ يقول ensuite وأما الشرك في بعض المسلمين فحدث على يد الشيعة الفاطميين بعد المئة الرابعة حينما بنوا المشاهد على القبور وأحدثوا بدعة الموالد في الإسلام والغلو في الصالحين. الشيخ يقول que le shirk est apparu chez certains des musulmans lorsque les chiites de l'empire fatimide, les fatimiyoun, sont venus après le quatrième siècle, al-mi'a al-rabi'a, c'est-à-dire le quatrième siècle. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là, les Fatimides? Eh ben, ils s'appellent, pourquoi on les appelle al-Fatimiyoun? Parce qu'ils prétendent être les descendants de Ahlul Bayt, et les descendants de Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok, et en réalité, ce ne sont même pas des descendants de Fatima. En fait, à l'origine, ce sont des Juifs. Et ce sont des Ismaïliyoun, Shia Ismaïliyoun. Ok, ce sont des gens qui ne sont même pas, ils ne font même pas partie des musulmans, de la Ummah. Ce sont des Kuffars. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont pris le pouvoir de certains pays musulmans à l'époque? Ils ont établi, ils ont construit des, sur les tombeaux, ils ont construit des dômes et des sanctuaires et des mausolées. Et c'est eux qui ont construit tous ces dômes-là qui existent actuellement en Égypte, hein, dans les cimetières et dans ces trucs-là. Al-Azhar, c'est eux qui l'ont construit. Hein? Donc, c'est pour dire que Al-Fatimiyoun, bon, c'est vrai, sur le plan architecture, sur le plan développement, des trucs comme ça, dunya. Ok, ils ont amené beaucoup de bonnes choses, peut-être des belles constructions, tout ça. Toutefois, sur le plan de l'aqida et sur le plan de la religion, ils nous ont amené le shirk et le dalal. C'est à leur époque que le mawalid sont apparus, les fêtes de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toutes sortes de formes d'exagération envers les hommes pieux. Yani. اي نعم يفوق تشيلدر si tu connais quelqu'un qui va prier ou demander shafa'a ou يتوصل بالاولياء, il demande l'intercession des awliya, ou il demande shafa'a, ou il demande l'aide des awliya, il cherche le secours, il va chez ces gens-là, dans les tombes, tout ça, pour demander de l'aide, et que toi tu connais le tawhid, et tu sais que ça c'est shirk billah, que c'est le shirk, c'est le seul péché qu'Allah ne va pas pardonner, tu es mas'oul, tu es responsable là, de transmettre le message. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit in alayka illa al-bala. C'est uniquement ton devoir, c'est de transmettre le message. Hein, tout balir. Tu lui dis à cette personne, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et tu lui dis, fala tad'u ma Allahi ahada. Tu lui donnes les preuves. Hein, si tu ne les connais pas, tu les apprends. Et si tu... D'accord, si au moment tu le vois et tu ne l'as pas appris, ben, disons que ça se passe devant toi, tu sais que tu connais la personne de proche, tu peux lui ramener des explications plus tard. Mais tu lui dis par exemple, tu lui dis ça, ce que tu fais, c'est pas correct. C'est shirk billah. C'est pas permis de faire ce que tu fais. Si t'as pas les adillah et tout ça, tu lui dis, si tu veux, je vais te donner des informations à ce sujet-là plus tard. Mais tu dois l'avertir quand même, d'accord? Tu l'avertis selon ce que tu es capable d'avertir. Mais s'il est ignorant, tu lui donnes une cassette, un livre, quelque chose pour lui faire comprendre. si toi-même t'es pas capable de lui expliquer, tu utilises un moyen pour lui faire comprendre, pour lui transmettre le message. Parce que c'est fondamental cette chose-là, c'est la base de l'islam. Hein? Quelqu'un qui dit « La ilaha illallah » puis après il fait le contraire de ce que « La ilaha illallah » signifie. C'est comme s'il sort de l'islam par ça. Masha'Allah. Masha'Allah, tu vois. Donc c'est des exemples comme ça, tu vois. Il faut faire le da'wah, ça c'est un exemple. Hein? Ça c'est un exemple. Des histoires, ça il y en a plein. Parce que les soufis, par exemple, c'est de eux qu'on va parler maintenant. Ils gardent leurs fidèles dans l'ignorance et ils leur font peur. Ils leur disent que c'est des wahhabiyas, c'est des ils aiment pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils aiment pas les salihis, ils aiment pas les hommes pieux, détestez-les. Après, écoute, ils les appellent des wahhabiyas, c'est-à-dire ceux qui suivent le Coran et la Sunna et qui avertissent les gens contre le shirk et contre les bid'a, ils disent ça c'est des wahhabiyas. Eux, c'est ça ce qu'ils veulent faire. Ils veulent essayer de dire que le Wahhabiyya par rapport à Muhammad Abdul Wahhab, parce que son père s'appelait Abdul Wahhab. Lui, il s'appelait Muhammad, et son père s'appelait Abdul Wahhab. Donc, pour dire qu'ils suivent Muhammad ibn Abdul Wahhab, ils les appellent Wahhabiyya. Alors qu'en réalité, même sur le plan de la langue, on devrait, si on voulait vraiment dire qu'ils suivent le chef Muhammad Abdul Wahhab, on devrait les appeler Muhammadiyya, parce que le cheikh s'appelle Muhammad, non pas Abdul Wahhab. Et Al-Wahhabiyya, Al-Wahhab c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Wahhab. Donc si tu vois dans ce sens-là, Al-Wahhab, Al-Wahhabiyya, c'est-à-dire ceux qui suivent la religion de Al-Wahhab, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, exact. Donc nous on n'a rien à voir avec un groupe, c'est-à-dire quand on dit qu'on... Quand eux nous disent Muhammad Abdul Wahhab, c'est comme si pour essayer de dire que eux ils suivent juste un cheikh qui a amené quelque chose de nouveau. C'est pas l'islam qu'ils suivent, et ce cheikh-là c'est pas l'islam qu'il a amené, c'est comme quelque chose que les musulmans connaissaient pas, pour dire que c'est comme une secte. Alors qu'en réalité, tout ce que le cheikh a apporté, c'est des preuves du Coran et de la Sunna, hein, et des paroles des ulama de l'islam. Donc si ils nous disent à cause de ça qu'on est wahhabiyya, alors c'est pour ça la meilleure façon de répondre à quelqu'un lorsqu'il nous dit est-ce que tu es wahhabi ou est-ce que tu es sur la voie des wahhabiyya, eh bien c'est de lui demander qu'est-ce que c'est al-wahhabiyya, comme l'exemple que le frère nous a donné, le cheikh quand il lui a posé la question à l'autre, qu'est-ce que c'est al-wahhabiyya, et là s'il te répond correctement, hein, c'est-à-dire s'il te dit des choses qui sont correctes, tu lui dis oui c'est ça, c'est l'islam, de suivre le Coran et la Sunna. Mais s'il te dit quelque chose d'incorrect, comme ah vous n'aimez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous ne faites pas ci, vous faites des choses qui sont contraires à l'islam, tu lui dis mais regarde, voici le livre, qu'est-ce qu'il a fait, il lui a donné quel livre, il lui a donné le livre Kitab al-Tawhid. Et si tu lis Kitab al-Tawhid, c'est uniquement des versets et des hadiths, il n'y a presque rien de parole de quelqu'un dedans, il n'y a pas de parole, c'est presque seulement des versets et des hadiths du Coran, hein, donc c'est clair, c'est pas une da'wa à l'idéologie d'une personne, ou à des concepts ou à des philosophies d'une personne quelconque, c'est un appel clair et direct à suivre le Coran, à suivre la Sunna, et à comprendre l'islam selon la compréhension des sahaba et des tabi'in et ceux qui les ont suivis. Parce que c'est eux qui ont compris l'islam le mieux, parce que c'est eux qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab était un parmi ces ulama-là qui ont ramené la pureté des enseignements de l'islam. D'accord? C'était pas quelque chose de nouveau. Et là, actuellement, c'est ça ce qu'ils montrent dans le monde entier, à propos de la da'wah de Muhammad ibn Wahhab, ils disent « Ah ça c'est les chouyours, ou les gens qui suivent l'Arabie Saoudite ». Et c'est un islam fondamentaliste, intégriste, et ils disent aussi que c'est un islam rigoureux, très sévère, hein, ils mélangent tout, ouais, aussi, ils vont dire peut-être que ah, c'est des gens qui déclarent les musulmans des koufars ou des choses comme ça. Il y a plein d'accusations, puis on va en voir quelques-unes de ces accusations-là. Tu voulais dire quelque chose, Mortal? j'ai senti là que tu voulais nous faire part de quelque chose. Oui, c'est ça. Des madakhila, ou des madkhali, ouais. Ouais, jami, vous êtes des jamiya. Ouais, c'est ça. Quand un cheikh, comme le frère dit, quand un cheikh, il a réfuté un groupe de bid'a quelconque, hein, puis qu'il les a vraiment frappés dur, et que ça leur a fait très mal, eh ben, c'est ça ce qu'il fait. Il essaie de lancer des sobriquets et des surnoms, yani, pour essayer de, disons, de faire peur aux gens, dans le sens pour leur faire croire que, ah, ces gens-là, c'est pas bon, il faut pas les écouter. Alors qu'en réalité, Ali, quand tu demandes à ces gens, c'est quoi, hein, toi, il y a un gars ici, là, qui est venu me voir, poser des questions, hein, puis là, on discutait, puis là, Ali, je lui disais, dans l'islam, on doit obéir aux dirigeants musulmans, puis on n'a pas le droit de le désobéir, etc. Il dit, ah, donc toi, t'es un maître Ali. Et là, je lui dis, oh, mais, madkhali, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi un madkhali? Il dit, ben, madkhali, c'est quelqu'un qui, suit, Cheikh Rabi'a madkhali. J'ai dit, ok, mais, c'est quoi Cheikh Rabi'a? C'est un savant parmi les autres. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est selon qu'est-ce qu'il y a dans le Coran et dans les hadiths. Il n'a pas rien ramené de lui, hein. Il a réfuté des gens de bid'a. Il a écrit des réfutations contre plusieurs d'entre eux. Et c'est pour ça que, ces gens-là lui ont donné ce nom-là, ou disons, accusent ceux qui, disons, lisent ses livres, qui ont accepté, disons, les principes qu'il a amenés du Coran et de la Sunna, ils le traitent de ce nom-là. Hein. Alors que, en réalité, ça n'a rien à voir. Comme Mohammed Aman al-Jami, il nous appelle al-Jamiya, il dit, ah, ça c'est des Jamiya. Hein. Alors que si tu lis les livres, tu écoutes les cassettes de Cheikh Mohammed Aman, tu écoutes les shurouh, les durous qu'il a donné de Kitab al-Tawhid, les durous qu'il a donné de Al-Wasitiyya, Al-Hamawiyya de Ibn Taymiyya, Al-Wasitiyya de Ibn Taymiyya, de Tadmuriyya, encore un autre livre de Ibn Taymiyya. Il y a tous les shurouh qu'il a fait, et quand vous les écoutez, vous voyez sa connaissance, sa science, sa maîtrise des sujets de Aqidah, comment il a une connaissance vraiment approfondie de ces sciences-là et de ces questions-là. Vous voyez que c'est un des grands ulama. Non seulement ça, mais tous les ulama, les grands ulama qui sont respectés à notre époque, ont tous parlé de cet homme-là en bien. Et ils ont tous dit oui, c'est un parmi les ulama. Cheikh Rabi'a, la même chose. Ils ont tous dit actuellement que Cheikh Rabi'a, c'est un des ulama parmi les ulama. Et ceux qui le détestent, c'est ça ce qui s'est devenu, s'est rendu à ce point que ceux qui les détestent, si tu vois que quelqu'un les déteste, ces gens-là, en général, c'est parce que ce sont des gens sur la bid'a. C'est devenu des signes comme ça. C'est comme les salafs, ils disaient à l'époque, si quelqu'un déteste l'imam Ahmed ibn Hanbal, sachez que c'est un mubtadi'. Hein. Et si vous voyez quelqu'un qui déteste l'imam al-Zuhri, sachez que c'est un mubtadi'. Et si vous voyez qu'un imam déteste l'imam, quelqu'un déteste l'imam Soufiane ibn Uyayna, sachez que c'est un mubtadi', etc., etc. Donc, c'était comme devenu des ulama, c'est devenu des ulama qui ont élevé la bannière de la sunna, qui ont élevé la bannière de la sunna, ou le flambeau de la sunna, et à cause de ça, ils se sont attirés sur eux les foudres et la colère des gens de Bida, et c'est comme devenu des paratonnerres de la sunna. C'est eux qui nous protègent contre tous ces bid'a qui essaient de nous attaquer de gauche et de droite. Et à cause de ça, c'est à cause de ça que ces gens de bid'a essaient d'utiliser ces surnoms-là. Hein. Quand quelqu'un n'a plus d'arguments, c'est plus quoi dire, c'est plus quoi faire pour se défendre, il utilise ce moyen-là, lancer des surnoms. Hein. Donc c'est ça le truc à ce sujet-là. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صباح الحمد لله حمد لله نعم شيء مزيما Abdullah ibn Sabah. Oui, mais c'était comme, disons que c'était une minorité. Avec Abdullah ibn Sabah, c'est le juif d'origine yéménite, qui s'était converti faussement à l'islam. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il a fait un petit peu comme Paul avait fait par rapport aux chrétiens. Il est venu dans, il est venu parmi les musulmans, se faire passer pour un musulman, pour répandre parmi les musulmans des idées fausses, pour les faire dévier de l'islam, comme Paul avait fait avec les chrétiens. Donc ça c'est disons la racine de qu'est-ce qui est venu par la suite, des chiites et tout ça. Sauf que c'était pas répandu d'une façon générale, ou disons pas générale, mais d'une façon assez importante à cette époque-là pour dire que c'était établi chez les musulmans. Toutefois par la suite, c'est là qu'ils ont, quand ils ont pris un pouvoir politique, comme à l'époque des Fatimides, toutes ces choses-là, c'est là que vraiment on peut dire que là c'est là qu'ils ont construit les tombeaux sur les tombes, puis que là ils ont commencé à inventer ces rituels-là. Comme qu'est-ce qu'ils faisaient pour le Hajj à la Mecque, ils ont commencé à le faire autour des tombes, hein, avec les Awliya et tout ça. Donc c'est le shirk qui est apparu dans la Ummah à cause de cette, ces affaires-là. Et ça c'est la sunnah d'Allah, dans le sens que ça arrive toujours des choses comme ça après que les gens s'éloignent des enseignements des messagers, des prophètes. Et malgré que bon, maintenant il n'y a plus de messager qui va venir après le messager d'Allah, c'est-à-dire après Mohammed, il n'y a plus d'autres prophètes, il n'y a plus d'autres messagers, mais c'est le rôle des ulama de prendre la défense de, du tawhid et de la sunna pour purifier tout ce qui a pu être ajouté ou ce qui est venu pour venir corrompre la pureté de, des enseignements de l'islam. Ensuite, le cheikh dit, وكذلك عندما حدث التصوف المنحرف المتمثل بالغلو في المشايخ وأصحاب الطرق. الشيخ dit également que également le shirk est apparu parmi les musulmans avec la venue du tasawuf dévié, le soufisme dévié, et l'exagération au sujet des shuyukh. Et des gens qui ont établi ces turqs, c'est-à-dire les voies soufis, les tariqas soufis. Donc ça, c'est, ça a été également une autre, disons, origine de, du shirk parmi les musulmans à l'époque. Le shirk, il dit ensuite, « ولكن الله سبحانه قد تكلف بحفظ هذا الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد العلماء المصلحين والدعاة المجددين الذين يبعثهم الله على رأس كل 100 سنة كما في الحديث فبقى للحق أنصاره فبقي للحق أنصاره وللدين حماته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك ولهذا donc le cheikh il dit ولكن donc Allah subhanahu wa ta'ala il s'est donné comme obligation et devoir de protéger et de garder cette religion là après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la main des ulama réformateurs et des gens qui appellent à au tawhid et pour disons revivifier revivifier la pureté de cette religion. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait revenir à la tête de chaque saint, à la tête de chaque saint, un mujaddid. C'est-à-dire quelqu'un qui vient pour ramener les enseignements de l'islam tels qu'ils étaient à l'origine pure. Et, disons, nettoyer la religion de tout ce qui a été rajouté ou collé à l'islam et qui n'en faisait pas partie, alors qui n'en faisait pas partie à l'origine. Et donc il y a toujours eu des hommes qui ont donné la victoire à la vérité, qui ont supporté la vérité, qui ont défendu la religion d'Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith célèbre qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim il y aura toujours une partie de ma Ummah qui va être victorieuse sur la vérité. Hein, ceux qui les abandonnent et ceux qui les contredisent, ils ne vont pas leur nuire en rien. Jusqu'à ce que le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala arrive et ils seront encore sur la vérité et sur al-haq. C'est-à-dire jusqu'au jugement dernier, ces gens-là vont demeurer sur la vérité. Donc, peu importe le désordre qui arrive dans la Ummah, peu importe la quantité de musulmans qui s'égarent du droit chemin, ou qui suivent les koufars dans leur égarement, ou qui font des péchés, ou qui font toutes sortes de contradictions à l'islam, il y aura toujours un groupe dans la Ummah, peu importe à quel moment, peu importe à quel endroit, il y aura toujours une partie des musulmans qui va rester fermement accrochée aux principes de la religion musulmane. Hein? Peu importe la situation, ceux-là, ils ne changent pas. Ils restent tels qu'ils sont. Peu importe l'époque. Hein? C'est comme si, peu importe les tempêtes, le vent, la pluie, l'orage, les raz-marées, c'est-à-dire tout ce qui peut se passer autour de nous, tout est en train de bouger autour de nous, là, mais nous, on reste là, immobile et stable. On espère qu'on reste ferme sur la sunna et le Coran, yani toujours, yani comme Allah nous a ordonné d'être. C'est-à-dire, c'est des gens, ils ne laissent pas le contexte de la société leur dicter leur façon d'agir ou leur dicter comment ils doivent être, mais plutôt c'est le contraire. Ils se basent sur les principes de l'islam, peu importe la situation, avec compréhension, avec sagesse, et toujours avec les ulama bien entendu, hein, ils retournent aux gens de ilm pour avoir des indications et des conseils comment agir dans chaque situation. Ouais, c'est ça, il y a des djihadis qui essaient d'utiliser ce hadith, puis il y a des versions, d'autres versions que de ce hadith-là, qui donne peut-être l'impression pour ces gens-là que il y a un groupe de la Oumma qui vont toujours combattre, qui vont être victorieux, tout ça. Puis il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit zahirin ala al-haq, ça ne veut pas juste dire zahirin avec la force militaire comme ces gens-là essaient de le faire comprendre, mais ça veut également dire zahirin avec la preuve du Coran et de la Sunna, avec le haq, hein, ça. Donc, et en plus de ça, tu vois qu'il y a toujours quand même, dans la Ummah, comme aujourd'hui il y a l'Arabie Saoudite, qui est un pays musulman qui juge selon la charia, hein, qui donc représente un exemple vivant et appliqué de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Bien sûr, c'est pas parfait, mais quand même, tu peux dire que il y a quand même la base qui est là, le principe de base, c'est la charia et l'islam. Et donc, eux, ils représentent, disons, l'exemple de ce groupe-là dont Allah subhanahu wa ta'ala parle, sous le plan de la victoire puis la force, hein. Mais bien entendu, c'est toujours d'une époque à une autre, peut être relatif. Ok? C'est toujours selon la force des musulmans, puis leur capacité de faire quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te donne pas comme charge de faire quelque chose que tu n'es pas capable de faire. Hein? Il ne te met pas une charge qui est une charge que tu ne peux pas porter. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, le jihad, le qital, et toutes ces choses-là, le combat, ça fait partie de l'islam, mais c'est uniquement obligatoire quand les musulmans sont forts et quand ils ont la capacité. Mais s'ils n'ont pas la capacité, s'ils ne sont pas forts, s'ils ne sont pas capables de le faire, eh bien c'est pas obligatoire pour eux. Hein, c'est pas obligatoire pour eux. Et c'est pas un péché de l'abandonner quand on n'est pas capable de le faire. Ces gens-là, ils s'imaginent que c'est un péché si tu ne le fais pas, même si tu n'es pas capable de le faire. C'est pour ça qu'ils font des stupidités comme ils font actuellement. Ils s'imaginent que tu sois fort ou faible, ça n'a aucun rapport. Ça, c'est incorrect. Donc, Ça c'est le point. Après le chef, il dit quoi? Il dit ولهذا يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مقدمة كتابه الرد على الجهمية الحمد لله الذي جعل في وقت كل فترة من الرسل بقايا من أهل العلم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ويدعون من ضل إلى الهدى ويبصرون ويصبرون منهم على الأذى فكم من ضال قد هدوه وكم من قتيل لإبليس قد أحيوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. Donc Cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ahmed dans l'introduction de son livre Ar-Radd 'ala al-Jahmiyya. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit louange à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a fait que après la venue de chaque prophète, il reste des gens parmi les gens de science qui corrigent ou protègent le livre d'Allah des déformations des sens des gens qui ont exagéré dans la religion et qui protègent les gens contre ceux qui veulent essayer de nullifier ou annuler ces sens et qui protège la religion contre les fausses interprétations des ignorants, et ils guident ou ils appellent les gens qui se sont égarés à la guidance, et ils endurent les nuisances de ces gens, de ces ignorants-là, ou de ces gens qui ont dévié. Ils endurent ils font preuve de patience dans les difficultés dont ils ont à faire face, Yann. Et il dit, et combien d'égarés ont-ils guidés, Yann? C'est des gens qui ont guidé beaucoup, hein. Allah a fait que beaucoup d'égarés soient guidés grâce à eux. Et également, combien de gens qui ont été, disons, attaqués ou blessés par Iblis, ou tués même par Iblis, et eux, ils les ont fait revivre, c'est-à-dire, ils se sont fait attraper par le shaitan, et eux, ils ont réussi, disons, avec les enseignements de l'islam, de les faire revivre. Et comme est bon l'effet qu'ils ont sur les gens. C'est-à-dire, ils ont un bon effet sur les gens, alors que les gens, eux, de leur côté, ils ont un mauvais effet sur eux. Sauf qu'ils ont un mauvais effet, ou des mauvaises, c'est ça. La meilleure façon de traduire ça, c'est ça. وأقبح أثر الناس عليهم. Donc ensuite le شيخ يقول من هؤلاء الذين وصفهم الإمام أحمد بهذه الأوصاف العظيمة شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب فقد وقف موقفا عظيما من مواقف هؤلاء الأئمة في مواجهة التغيرات التي حدثت في مجتمعه من انحراف في العقيدة وانقسام في الحكم واستشراق للعادات الجاهلية في الحاضرة والبادية شرك في العبادة مخالفات للشرع في الحكم بين الناس ورواج لسوق الشعوذة والسحر وتعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورغم كثرة وجود العلماء فيهم المتبحرين في مسائل الفقه الفرعية ولكن العبرة ليست بوجود العلماء ووفرتهم دون أن يكون لهم أثر فعال في الإصلاح فبنو إسرائيل هلكوا وفيهم العلماء فلما لم يقم علماؤهم بما أوجب الله عليهم من النصح والإصلاح تسلط عليهم الشيطان فقال تعالى وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. شيخ الزي parmi les ulama que l'imam Ahmed a mentionné qui purifie la religion de toutes les déviations et les égarements des gens de Dalal, et bien il y a ce cheikh, hein, cheikh l'islam, l'imam réformateur, c'est-à-dire le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab رحمه الله. Et il s'est tenu, ou il a pris une position de fermeté, hein, et qui a été une très grande position. Et donc, il a dû à faire face à toutes sortes de situations dans sa société à son époque. Il y avait des déviations dans la croyance, il y avait des divisions dans les questions politiques, tout le monde était en petits groupes, petites tribus, chacun avait son chef, et il y avait des guerres entre eux pour n'importe quelle raison. Les gens étaient perdus dans toutes sortes de traditions païennes, pré-islamiques, que ce soit dans les villes, où les gens étaient sédentaires, ou bien dans chez les nomades, parmi les bédouins, qui allaient d'une ville à l'autre, ou d'un oasis à l'autre. Il y avait toujours chez eux toutes sortes de formes de coutumes païennes et des traditions qui avaient été héritées, qui sont contraires à l'islam. Et il donne aussi l'exemple qu'il y avait également des formes de shirk dans l'adoration à son époque, et toutes sortes de contradictions de la charia dans la façon dont les gens jugeaient entre eux. Hein, ils ne jugeaient pas selon la charia. Également, il y avait toutes sortes de formes de charlatanisme et de magie, hein, toutes sortes de superstitions qui étaient répandues dans la société à son époque. Et il n'y avait pas d'ordonnance du bien et d'interdiction du mal, malgré qu'il y avait beaucoup d'ulama à son époque, il y avait quand même beaucoup d'ulama. Mais c'était des gens qui étaient très calés, disons, dans les sciences de fiqh, des choses de ce genre. Toutefois, le cheikh il fait comprendre que c'est pas la quantité des ulama et leur présence qui fait vraiment la différence. Pourquoi? Il dit parce que, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, parce qu'il dit que si les ulama n'ont pas réellement un impact actif, hein, dans la société, et s'ils ne font pas vraiment leur devoir d'enseigner aux gens les bases de l'islam, le tawhid, et de ramener les gens aux enseignements corrects de la religion, et de réformer leur société, eh bien, ils n'ont pas vraiment un impact et un effet fort ou sérieux dans leur environnement. Et il donne l'exemple que les enfants d'Israël, ben, Israël, ils ont péri, alors que parmi eux, il y avait beaucoup de ulama, les fils d'Israël. Ok? Mais c'est parce que leur ulama, leurs savants, ils n'avaient pas gardé l'obligation qu'Allah leur avait donnée. Ils n'ont pas pris l'obligation qu'Allah leur avait donnée de donner le bon conseil et de réformer la société. Et donc, à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala les a fait périr, et le shaytan a pris le dessus sur eux. Et le cheikh, il mentionne le verset: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. Tu vois parmi eux, parmi les juifs, beaucoup de gens qui se précipitent dans le péché, la transgression, et à manger, ils se précipitent également à manger les biens haram, que ce soit le riba ou de manger les biens des autres par d'autres moyens, des choses qui sont des gains illicites, hein. Donc ça, c'est des gens qui se sont précipités dans ces choses-là. Puis après, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si seulement leurs savants et leurs rabbins, leurs sages, leur avaient interdit de dire des mauvaises paroles et de manger des gains illicites, comme est mauvais ce qu'ils faisaient. Et ça, c'est les versets 62 et 63 dans Surat Al-Ma'ida. Hein, donc, ça c'est pour montrer que c'est pas la quantité de ulama qui fait la différence, mais c'est leur façon dont ils se tiennent pour la vérité. Hein. Et donc, alhamdulillah, les ulama de Ahl Sunnah, Al Jama'a, ils font leur devoir et ils ont fait ce qui est obligatoire pour eux. Alhamdulillah, ils enseignent aux gens le tawhid, ils avertissent les gens contre le shirk, ils avertissent les musulmans contre la bid'a, et il les appelle à suivre la sunnah. et il leur explique le halal et le haram, et il leur clarifie ce qu'ils ont besoin de connaître dans la religion d'Allah, tandis que les gens de Bid'a, eh ben eux, ils laissent aux gens faire ce qu'ils veulent, et ils leur rendent halal ce qui est haram, et ils suivent leur passion, et c'est ça qui fait la différence entre les ulama et les gens de Bid'a qui se font paraître comme des ulama alors qu'en réalité, ils ne sont pas parmi les ulama. Donc, alhamdulillah, on voit tout de suite la différence, comme le cheikh il nous explique. Et donc, le cheikh Mohamed Abouahab, quand il est venu, malgré qu'il était tout seul à faire sa da'wah, il n'y avait pas d'autres, il n'y avait pas beaucoup d'autres avec lui, mais il s'est tenu avec sincérité en demandant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le succès dans sa da'wah. الشيخ أنسيت التي وإنه لما وقف هذا الإمام في مجتمعه المنحرف أكثر ممن فيه موقف الصدق والنصيحة خلص هذا المجتمع مما وقع فيه من أسباب هلاكه مع أنه رجل واحد ولكن كما قيل الناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر إن أمر أنا وهكذا سنة الله لا تتغير فالأمة لا تنهض من كبوتها ولا تستيقظ من رقدتها إلا بتوفيق الله ثم بجهود علمائها المخلصين ودعاتها الناصحين ورحم الله الإمام مالكا حيث يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح صلح به أولها أو أولها. Donc c'est pour dire que même si l'imam il était un, il était tout seul à son époque, mais il a fait preuve de vérité, de sincérité, de véracité, et donc il a réussi malgré que sa société était déviée, hein, il a réussi à se tenir et à débarrasser sa société de tous ces de toutes ces causes de perdition et de châtiment, et il s'est donc tenu fermement, et Allah subhanahu wa ta'ala donc lui a donné le succès dans sa da'wah, et il mentionne un vers d'un poème qui dit que les gens, même s'ils sont le sens de qu'est-ce que ça veut dire, c'est si quelqu'un se tient sur quelque chose puis qu'il est ferme, et qu'il est vrai, même s'il est seul, alors que les autres sont mille, celui qui est un et qui est sincère, il peut faire plus que qu'est-ce que ces mille-là peuvent faire. C'est-à-dire, c'est pas la quantité, mais c'est la sincérité qui est importante. Et ça, c'est quelque chose, c'est une leçon pour nous, de comprendre cette chose-là, c'est très important. Le cheikh dit, وَهَكَذَا سُنَّةُ اللَّهِ لَا تَتَغَيَّرْ. Il y a des gens aujourd'hui, parmi les gens qui ont dévié de la sunna, quand il y a des péchés répandus dans la société, ils disent, ah, mais regardez, où est-ce qu'ils sont les ulama? Pourquoi les savants ils parlent pas? Pourquoi les savants ils font pas ci? Pourquoi les savants ils font pas ça? Et les gens qui disent ça souvent, c'est des gens qui essaient de rabaisser les ulama pour eux-mêmes s'élever. Même s'ils n'ont pas atteint le niveau des ulama. Mais étant donné que personne ne va les écouter, tant que les ulama sont là, ben la seule manière de se faire écouter, c'est d'essayer de rabaisser les ulama. Comme ça, les gens vont regarder eux et non pas les ulama. Et donc, ils attaquent les ulama de cette façon-là. Ils disent, ah, mais pourquoi les ulama ils parlent pas? Pourquoi les ulama ils font pas ci? Pourquoi les ulama ils font pas ça? C'est parce que eux, en réalité, ils veulent que les ulama sortent dans les rues, avec des pancartes, commencent à crier, faire des manifestations, faire des grèves de la faim, toutes sortes de trucs comme ça pour dire, ah, là, on voit qu'est-ce qui se passe, là. Ils sortent dans la rue, commencent à crier, ça c'est haram, ça c'est halal, et ça. Non. Les ulama, ils enseignent la religion d'Allah, et ils donnent les doros, et ils clarifient l'islam pour les gens, de la façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé de le faire. Ils expliquent aux gens qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram. Ils expliquent aux gens la sunna et le tawhid. Et ils dénoncent les choses qui sont incorrectes dans la société de la façon la meilleure, c'est-à-dire de la, selon le Coran et selon la Sunna, pas à la manière de ces gens-là, comment ils ont dévié à ce sujet-là. Donc, alhamdoulilah, c'est pas comme ces gens-là, ils s'imaginent que si on dénonce pas les choses à leur façon, ça veut dire qu'on fait rien. C'est ça ce qu'ils essaient de nous faire comprendre. Donc, si vous devez dénoncer le mal, puis parler, puis agir, faire des choses comme, ils veulent que les ulama soient comme des activistes, hein, qui bougent, hein, qui veulent l'action. Les ulama, ils font leurs choses, ils font leur travail à leur façon, selon le Coran et la Sunna. Pardon? Jour et nuit, hein, c'est vrai. Si tu vois des ulama comme Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, on dit qu'ils dormaient seulement 4 heures par jour. Hein? Donc, sa vie, c'était l'ilm. Il n'avait rien d'autre à faire dans sa vie. Donc, c'est pour cette raison-là que, ces autres-là, ils veulent, comme on dit, essayer de dénigrer les ulama de cette façon-là. Soyez juste avertis de ça, yani. Le cheikh dit que la sunna d'Allah, la manière d'Allah, comment il change les choses dans la société, comment il fait les choses chez les êtres humains, dans sa création, et bien ça change pas. Donc, la Ummah, elle ne peut pas sortir de ses problèmes, elle ne peut pas se réveiller de son sommeil, excepté par le succès d'Allah, que Allah donne, le succès qu'Allah donne à ces gens-là, par le travail des ulama et par les efforts des ulama sincères, qui appellent les gens, et qui sont sincères et qui appellent les gens à revenir au Coran et à la Sunna. Et le Cheikh, il mentionne une citation très célèbre de l'imam Malik, rahimahullah. Et cette citation-là, c'est une citation vraiment importante. Elle dit que les gens qui vont venir vers la fin, ils ne pourront pas se réformer et corriger leur situation, excepté en suivant la manière des premiers musulmans. C'est-à-dire, ceux qui ont purifié et réformé la première génération de cette Umma, c'est uniquement ça qui va pouvoir réformer et corriger les erreurs de ceux qui viennent après. Ok? Et donc, il ne faut pas s'imaginer qu'on va être capable de réformer la société par d'autres choses que ce qui a réformé les Sahaba. Eux, ils s'imaginent que on peut ramener des nouvelles méthodes et que d'autres façons on va réformer la Ummah. C'est faux. Il n'y a rien de mieux pour réformer, il n'y a rien qui va réformer la Ummah excepté l'exemple des Salaf Salih et les enseignements du Coran et de la Sunna. D'accord? Donc celui qui s'imagine qu'il va être capable de réformer la Ummah autrement, c'est juste une illusion. C'est-à-dire il va faire des efforts, mais il ne va jamais arriver à rien. Il ne va jamais arriver à rien, même s'il court. Comme on dit, le dicton, hein, il n'y a rien à faire de courir. Il faut partir à point. Même si tu pars à 100 000 à l'heure, tu cours à toute vitesse, tu vas t'essouffler, mais ça ne veut rien dire. Il faut que tu pars à point. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui ont cette idée-là. Comme le frère Mouhtar, il explique là, ça c'est quelque chose qui se passe en réalité. Les gens qui s'imaginent que tous les malheurs viennent de la pauvreté. C'est-à-dire le manque d'éducation, l'analphabétisme, le crime, la corruption dans la société, tout ça, ça vient à cause du manque de richesse de certaines parties de la société. Hein. De l'ignorance, des choses comme ça. L'ignorance, c'est sûr que c'est un des malheurs, une des choses mauvaises dans la société. Mais c'est pas vrai que si quelqu'un n'a pas d'argent ou qu'il n'est pas riche, il peut pas avoir de la connaissance. Hein? Ça, c'est bien, parce que les gens d'aujourd'hui, ils ont l'idée que la seule manière d'acquérir la connaissance, il faut aller dans les universités, puis des trucs comme ça. Hein? Malgré que, juste pour donner un exemple, encore une fois avec le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il n'est jamais entré dans une université. Il n'a même pas les diplômes. Et il enseignait les docteurs. C'est lui qui donnait les cours aux docteurs en islam. C'est juste pour vous donner un exemple. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lui la même chose. Il avait entré dans une université. Mais quand on lui a offert un poste pour enseigner, il enseignait à des docteurs. Hein? Donc c'est pour vous dire que le ilm, il est là. Et regardez par exemple, subhanallah, ici on est dans une société riche. Canada, c'est une société riche sur le plan mondial, hein. Et pourtant ici, s'il y a de la pauvreté dans certains quartiers, c'est toujours synonyme de délinquance, problèmes sociaux, toutes sortes de choses comme ça, d'accord. Ça veut dire que dans d'autres pays du tiers-monde, les endroits où il y a de la pauvreté, souvent c'est là où on trouve les meilleures personnes, hein. C'est là qu'on trouve les gens les mieux élevés, les mieux éduqués, les plus polis, les plus respectueux, hein. Donc c'est pas une question de pauvreté vraiment, c'est une question de moralité, de foi, iman, d'accord. Donc Allahu a'lam, les gens d'aujourd'hui, ils ont d'autres, peut-être ils ont mal compris certaines choses de la réalité de la vie, hein. Peut-être c'est pour ça que ça les fait avoir ces idées-là. Donc la réforme sociale, c'est sûr que c'est important, mais pour toute réforme sociale, elle doit commencer par la base. Et la base, c'est le tawhid, c'est l'aqidah, réformer la croyance chez les gens. Ensuite, le reste va tout se mettre en place, tout va se corriger. Mais si tu veux commencer par corriger l'économie, corriger la politique, corriger ces choses-là, après ça, tu vas essayer de corriger la croyance, ça marchera pas, ça marchera jamais. Et puis, la preuve, regardez ceux qui ont essayé. Jusqu'à aujourd'hui, ils essaient encore, ils n'ont jamais réussi. Hein? Donc, ils vont continuer à perdre leur temps comme ça, ils n'ont jamais réussi. Hein? C'est comme quelqu'un, c'est des trucs temporaires, là, qu'ils essaient de faire. C'est comme quelqu'un, là, il a une fracture, puis on lui met un petit pansement par-dessus, là. Mais on n'essaie pas d'arranger la facture, ça va rien changer, hein. Donc il faut, des fois il faut opérer là, faut aller plus au fond là pour régler le problème. Non, donc c'est ça. Et le chef il dit وَمَمْتَازَتْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْأُمَمِ إِلَّا بقيامها بالإصلاح والدعوة إلى الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الشيخ الذكر لشوف عن كل ست أمة سيدستيجي بعبارة زوت. C'est parce qu'il reste encore dans cette Ummah une forme de certaine réforme et un appel à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et ça c'est vrai. Pourquoi actuellement tout le monde a mis l'islam dans leur point de mire? Tous les koufars ont comme point de mire la religion musulmane. Et qu'on a tous les disons, leurs objectifs sont braqués, leurs caméras sont braquées sur les musulmans, parce que c'est uniquement dans l'islam qu'il reste encore un peu de réforme et un peu de da'wa, parce que les autres religions, disons, ils ont disons baissé les bras devant tout ce qui est les corruptions, puis désordre, puis déviation, hein. Tandis que l'islam reste ferme sur le tawhid et sur la sunna. Et on appelle les gens à croire en Allah. Et nos bases sont solides. Et ça bouge, ça branle pas. Donc, à cause de ça, c'est ça ce qui fait que on pose vraiment un problème, disons, dans ce sens-là. Et Allah, le chef, il mentionne deux versets, le verset 110 dans Surat Al-Imran. Vous êtes la meilleure nation, la meilleure Ummah qui a été suscitée pour les hommes. Hein? Comme les salafis disaient, « Antum khayrun nas lin nas ». Vous êtes les meilleurs gens pour les gens. C'est-à-dire, vous voulez le bien de tout le monde. Et vous travaillez dans le, pour le bien de tout le monde. Vous voulez du bien à l'humanité. Si on ne veut pas du bien pour l'humanité, on ne peut pas faire le da'wah. Hein? Quelqu'un qui veut faire le da'wah, quelqu'un qui est musulman, il faut qu'il veuille du bien pour les autres. Sinon, il ne peut rien faire. Hein? Et donc, c'est cette umma qui veut réellement le bien. Parce qu'on commence par appeler les gens par, à qu'est-ce qui est le plus bénéfique pour eux. C'est-à-dire la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et une part dans l'akhirah, une part dans l'au-delà. Hein, qu'est-ce que ça sert d'avoir, il y a juste des biens dans cette dunya, mais de pas penser à ce, ce qui est vraiment le plus important, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous attend après la mort. Hein, donc c'est ça le plus important. Hein, et les descriptions de pourquoi on est la meilleure umma, c'est décrit dans le verset. C'est-à-dire, vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Et vous croyez en Allah. Donc, si on respecte ça, on est la meilleure nation. C'est ce que ça veut dire. Et après, il mentionne un autre verset, c'est le verset 104, encore dans Surat Ali Imran, ça dit, et qu'il y ait parmi vous un groupe, parmi les musulmans, il faut qu'il y ait parmi vous un groupe qui appelle au bien, qui ordonne le bien, qui interdit le mal. Et ceux-là sont ceux qui auront le succès. Donc ça c'est l'introduction de ce livre. Là, après qu'est-ce qu'il fait, le cheikh, il mentionne une petite biographie de la da'wa de la da'wa du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Mais on a déjà fait ça dans le dars de l'usul al-salata. Donc on va pas le recommencer encore une fois. De toute façon, on est arrivé maintenant à la fin du cours. On va s'arrêter. Mais comme si, on va voir à la suite, la semaine prochaine, on va probablement commencer directement le livre, inshallah. Tayyibun. D'accord, on va s'arrêter ici. Tawfiqum barak, inshallah, subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh.